بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Continuons, chers frères, la lecture et la méditation, le commentaire sur ce poème très important, très bénéfique du très savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. السير إلى الله والدار الآخرة. Le cheminement vers Allah et la demeure finale. Et donc on avait vu lors du premier cours les deux premiers vers. L'auteur qui nous dit rahimahullah: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. Sont bienheureux ceux qui se sont éloignés des voies du mal. Sont bienheureux ceux qui se sont éloignés des voies du mal et se sont dirigés vers les stations de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, ce sont ceux qui ont été monothéistes, qui ont unifié leur Seigneur dans leur cheminement et qui ont appliqué la législation de la foi. Dans ces deux premiers versets, on avait dit, donc, dans ces deux premiers vers, excusez-moi, on avait vu que l'auteur ici, il nous montre la cause du bonheur, les causes. Dans ce poème, il va nous montrer les causes qui mènent au bonheur éternel, et il nous cite donc le fait de délaisser les voies du mal, la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous cite aussi le fait d'adorer Allah seul, de lui accorder un culte exclusif et de s'accrocher fermement à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu la dernière fois que ces deux éléments sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. Ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah, à parler de ces gens, des bienheureux, quelles sont leurs caractéristiques. Et il nous dit « Wa humu alladhina banaw manazila sa'yihim » على الرجاء والخوف من والخوف للديان وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. Et donc ce sont ceux qui ont construit les stations de leur cheminement. Ils ont basé les stations de leur cheminement sur l'espoir et la crainte de Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, ce qui est voulu ici, c'est par rapport à Yawm al-Din, le jour de la rétribution. Et donc, c'est lui qui va juger et rétribuer les serviteurs. Et donc, ce qui est voulu ici, c'est Allah. Et donc, ces gens-là, leur cheminement vers Allah, tabaraka wa ta'ala, il est basé sur deux éléments: l'espoir, miséricorde d'Allah, la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la crainte de sa colère, de son châtiment, tabaraka wa ta'ala. Et ces deux éléments sont très importants. Chaque acte d'adoration que nous faisons, nous devons avoir cela, l'espoir de la récompense et la crainte donc du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui décrit les pieux et il nous dit: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ. Et donc, ils s'arrachent de leur lit durant la nuit. Il est froid, on est sous couverture, mashallah, hein, surtout en ce moment. Eh bien, ces personnes-là, elles arrivent à s'arracher de leur lit et ils invoquent leur Seigneur pendant la nuit. Ils vont le prier, ils vont l'adorer. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Ils adorent leur Seigneur par crainte et espérance. Ils craignent son châtiment. Ils l'adorent parce qu'ils craignent son châtiment et aussi parce qu'ils espèrent sa récompense tabaraka wa ta'ala. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ils dépensent de ce que nous leur avons accordé. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب yarjouna rahmatahu wa yakhafouna azaba. Ceux-là sont ceux qui invoquent leur Seigneur, qui espèrent, qui recherchent le moyen d'être le plus proche de lui. Lequel d'entre eux sera le plus proche? Ils espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment. Et donc, encore une fois, on voit ici le fait que quand on adore Allah, tabaraka wa ta'ala, on doit avoir cela. Certaines personnes, j'ai parlé parfois de ceux qui veulent se débarrasser de cet acte d'adoration. « Wow, encore une salat, quand même. Encore une salat pour prier, je suis fatigué. » Il veut se débarrasser de cet acte d'adoration, on va le faire le plus vite. Allez, allez, même juste pour me débarrasser. Celui-là n'a pas accompli cet acte d'adoration correctement avec cet espoir d'avoir la récompense, ni la crainte d'être châtié par rapport à nos agissements. Et donc il est important que dans tout ce que tu fais, tous les actes d'adoration que tu as, que tu accomplis, tu aies en toi ces deux éléments. Et en réalité, nous ne faisons pas prévaloir la crainte ou l'espoir, mais tu dois avoir les deux. Car celui qui va faire prévaloir la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, il se peut qu'il désespère de la miséricorde d'Allah. Parfois, certains ont tellement fait prévaloir la crainte qu'ils n'ont plus d'espoir. Pour eux, ils sont perdus, c'est bon, je suis dans le feu, je suis fini. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui dit « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » Dis, ô mes serviteurs, qui vous êtes fait injustice à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, il pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur. Et celui qui, au contraire, il va faire prévaloir l'espoir, comme c'est le cas pour nos voisins, les chrétiens qui croient au fait que Jésus s'est sacrifié pour les péchés, donc que tous les péchés sont pardonnés, c'est bon, c'est terminé. C'est bon, tu peux faire ce que tu veux. On est pardonné. Pourquoi? Parce que Jésus s'est sacrifié. Et donc, si tu fais prévaloir l'espoir, alors cela va causer que tu n'auras plus cette crainte du châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et que tu pourras te permettre de tomber dans tous les péchés, et que tu te sentiras en sécurité, alors que Allah, tabaraka wa ta'ala, il est celui qui dit à ses serviteurs, « Et amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. » Est-ce que vous vous sentez à l'abri que celui qui est au-dessus des cieux ne fasse que la terre ne s'effondre avec vous? Et donc, nous ne devons pas nous sentir en sécurité du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons donc avoir l'espoir et la crainte dans tous nos actes d'adoration. Les savants nous disent que l'espoir et la crainte pour nous dans nos actes d'adoration sont au même niveau, les deux ailes de l'oiseau. L'oiseau a besoin de ses deux ailes pour voler. S'il a une de ces deux ailes qui est faible, qui est manquante, alors cela va être difficile. Et donc nous devons absolument avoir ces deux éléments dans tous nos actes d'adoration tout au long de notre vie. Et ensuite il nous dit l'auteur, « وَهُمُ الَّذِينَ مَلَ الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ بِوِدَادِهِ وَمَحَبَّةِ الرَّحْمَنِ » Subhanallah. Il est beau ce poème. Et ils sont ceux dont El Ilah, le Dieu, la divinité, celui qui est adoré, il a rempli leur cœur de quoi? De son amour. Wa mahabbati rahmani. Et de l'amour du tout miséricordieux. Et donc leurs cœurs sont remplis de l'amour du tout miséricordieux. Tu veux cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois l'aimer. Et ça, ô chers frères, c'est la base. C'est la base. On a vu précédemment que dans tout acte d'adoration, on doit avoir l'espoir et la crainte. Alors sachez qu'on doit aussi avoir l'amour. Et d'ailleurs, ces trois éléments, l'amour, l'espoir et la crainte, sont les piliers des actes d'adoration. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous éduque dans Sourate Al-Fatiha. Il nous éduque. Cette sourate que nous devons réciter obligatoirement tous les jours. Combien de fois? On a 17 fois par jour. On doit réciter cette sourate au minimum 17 fois par jour. Que contient cette sourate? Elle contient énormément d'informations. Parmi les informations que contient cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. C'est quoi la louange? C'est quoi les louanges? C'est quoi Alhamd? Alhamdou, c'est quoi les louanges? Al-Thana'u al-Mahmoudi bil-Mahabbati wa ta'zim. C'est le fait de faire les éloges de celui qui est loué, donc d'Allah, par amour et glorification, le faire reconnaître sa grandeur, tabaraka wa ta'ala. Et donc tu fais ces éloges par rapport à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous accorde. Pourquoi tu dis Alhamdulillah? Alhamdulillah pour ce qu'il t'a donné, Alhamdulillah pour la santé, Alhamdulillah de m'avoir créé, Alhamdulillah de m'avoir guidé, Alhamdulillah de m'avoir permis d'apprendre. Alhamdulillah pour tout. Et donc tu fais les éloges de ton Seigneur par rapport à tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a accordé, et cela par amour. Et donc ici, il y a l'amour dans ce verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ici, il y a, qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? Le premier verset, l'amour. Celui-là, l'espoir. Ar-Rahmanir Rahim. Tu espères sa miséricorde. Malikiyawm ad-Din. Le maître du jour de la rétribution. Et donc ça, c'est la crainte. Tu as peur de ce jour. Tu as peur de ce jour. Et taku yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Craignez le jour durant lequel vous retournerez tous vers Allah. Puis il sera accordé à chacun une rétribution en fonction de ce qu'il a accompli. Et il ne leur sera pas fait d'injustice. Et donc tu dois craindre ce jour. Et donc une fois que tu as réuni cela, l'amour, l'espoir, la crainte. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est là qu'on a l'ibad. Et donc ces trois éléments, chers frères, barakallahu fikoum, sont les piliers de l'adoration. Tu dois avoir l'amour, la crainte et l'espoir de ton Seigneur lorsque tu l'adores. Et il y a en cela une réplique à qui? Il y a en cela une réplique à Essou. Quelle est la croyance de Soufia par rapport à la crainte et l'espoir? Les exagérateurs chez les soufis, ils disent qu'ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala par amour seulement. On ne l'adore pas parce qu'on a peur de son châtiment, ni parce qu'on espère sa récompense. On l'adore juste parce qu'on l'aime, c'est tout. Et ils disent même, celui qui adore Allah parce qu'il a peur de son châtiment, ou qu'il espère sa récompense, en fait, c'est comme un commerçant. Je te donne parce que tu me donnes. Je te donne parce que tu me donnes. Je fais des actes d'adoration parce que toi, tu vas me donner une récompense. Il y a en cela, barakallahu fikoum, mon cher frère, l'importance de talab al-ilm, l'importance d'étudier notre. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent cette argumentation, ils peuvent se dire, ah ouais, c'est vrai, commerce avec Allah. Ils peuvent se dire que cette parole, elle est vraie, alors qu'elle est totalement erronée, totalement faux. Et c'est là qu'il y a l'importance des gens de science. Parfois, tu peux entendre une parole, tu vas l'entendre 10 fois, tu ne sauras pas qu'elle est fausse. 10 fois. Peut-être même plus encore. Tu ne sauras pas qu'elle est fausse. Jusqu'à ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, place sur ta route quelqu'un à qui il a accordé la science pour juste mettre la lumière dans la salle. Juste tu mets la lumière. Ah, c'est bon, tu arrives à voir que ça, c'est bien. Et donc, c'est important qu'on apprenne afin de ne pas tomber dans des ambiguïtés comme celle-ci. Allah tabaraka wa ta'ala a cité les pieux, a fait leurs éloges parce qu'ils l'adorent avec crainte et espoir. Yad'ouna rabbahum khawfan wa tama'a. Ils adorent leur Seigneur par crainte et espérance. Comment ça on va dire non, nous on n'adore pas Allah par crainte? Les pieux, Allah il a cité les pieux. Tous les prophètes ont appelé leur peuple à adorer Allah tabaraka wa ta'ala pour rentrer au paradis et afin d'être sauvés du feu. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, Ya ayyuhalladhina amanu. D'ailleurs, ça c'est concernant le commerce, le fait de dire que c'est comme si vous faites du commerce avec Allah. Alors on va voir si c'est mauvais de faire du commerce avec Allah. Est-ce que c'est mauvais de faire du commerce? On va voir. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Oh vous qui avez cru, puis-je vous montrer un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Et donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous montre que le fait de croire en lui, en son prophète, d'accomplir des actes de piété, sont un commerce. Un commerce avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il nous dit, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمْ تَعْلَمُونَ. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Et il vous fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Et donc, ici on a le commerce, on a le fait d'être sauvé du feu, et on a le fait de rentrer au paradis. Il n'y a pas de mal en cela. Et ceci est la religion. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Certes, ceux qui récitent, ceux qui œuvrent avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé ouvertement ou en cachette, ces gens-là, quelle est leur situation? Ils espèrent un commerce qui ne va pas s'interrompre. Ils espèrent un commerce qui ne va pas s'interrompre. Quel bon coup. Et rappelez-vous cet homme qui devait faire la hijra, l'émigration. Il voulait quitter Mecca pour aller à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait beaucoup d'argent. Alors il a caché son argent à l'entrée de sa maison, sous la terre. Et lorsqu'il est parti, il voulait aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh, ils lui ont dit, tu vas où? Tu ne vas nulle part. Tu ne vas nulle part, non, tu ne vas pas les rejoindre, tu restes avec nous. Il leur a dit, ok, d'accord. Laissez-moi partir et je vous montre où j'ai mis mon argent, mes économies. Ils lui ont dit, tu vas nous montrer? Oui, oui, je vous donne. En échange, vous me laissez partir. Ok. Alors il leur a dit, et à l'entrée de ma porte creusée, trouvez l'argent. Ils lui ont dit, c'est bon, tu peux y aller. Il est parti. Lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il lui a dit, Rabihat tijaratuk. Ton commerce fut fructueux. Ton commerce fut fructueux. Nous, on va voir, oh, j'ai perdu de l'argent. Combien ça m'a coûté pour partir? Subhanallah. Nous, on est là. Combien j'ai besoin pour faire la hijra? La ilaha illallah. Ton commerce fut. Il nous a montré, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi un commerce? Un commerce fructueux, c'est quand tu vois loin. La demeure finale, la demeure éternelle. Les pieux, comme on l'a dit précédemment, ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala et ils ont peur que leurs actes d'adoration ne soient pas acceptés. C'est comme ça qu'on doit faire. Tu dois avoir peur que tes actes d'adoration ne soient pas acceptés. Nous, on est là, subhanallah, c'est comme si on a la certitude que toutes nos salats sont acceptées. On va être négligent comme pas possible, comme si on est sûr que c'est bon, c'est accepté. Taïb, est-ce qu'il y a parmi nous, j'allais poser la question, il y en a un qui s'appelle Khalil, oui, mais est-ce qu'il y en a parmi nous un qui est Khalilullah? Il s'appelle Khalil, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Khalilullah? Le plus aimé d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Personne. C'est qui Khalilullah? Hein? Ibrahim, alayhi salam. Taïb. Ibrahim, il est proche d'Allah Azza wa Jalla. Allah l'aime. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de construire la Kaaba. Donc Allah l'aime. C'est Allah qui lui a ordonné de le faire. Il l'a fait comme Allah lui a demandé de faire. Malgré ça, qu'est-ce qu'il faisait Ibrahim? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Et lorsque Ibrahim et Ismaïl, ils élevaient les fondations de la demeure, la maison El Beit, El Kaaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Ô Seigneur, accepte de nous. Ça, c'est Ibrahim alayhi salam. Oh Seigneur, accepte de nous. Il avait peur que ses actes ne soient pas acceptés. Et nous, on est là, Masha'Allah. Masha'Allah. On fait la prière au dernier moment ou n'importe comment. On ne cherche même pas à savoir c'est quoi les piliers de la prière, c'est quoi les obligations de la prière, c'est quoi les conditions, c'est quoi les mustahabat. On est là. J'ai vu quelqu'un prier comme ça, je fais comme lui. Et on a, c'est comme si on a la garantie que nos œuvres sont acceptées. Ibrahim, alayhi salam, il a peur que ses œuvres ne soient pas acceptées. Et donc les frères, il faut qu'on arrive à corriger cela en nous. Qu'on aime Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on espère sa récompense et qu'on ait peur de son châtiment tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir aux chers frères, que l'amour c'est la base de toutes les bonnes œuvres. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit inna fil jasadi mudra إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Certes, il y a dans le cœur un membre. Si celui-ci est pur, est bon, alors tout le reste du corps sera bon. Mais si celui-ci est corrompu, alors tout le reste du corps sera corrompu. Certes, c'est le cœur. Ce cœur qui aime. Si tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala, cet amour que tu as pour Allah tabaraka wa ta'ala va t'amener à faire des actes de bien, à faire de bonnes œuvres et à délaisser la désobéissance en Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, il dit concernant ce sujet, fa aslul mahabbati al-mahmouda. التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده لا شريك له المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه فإن العبادة تتضمن غاية الحب وبغاية الذل ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده انتهى. ابن القيم رحمه الله. La base de l'amour qui est louable, l'amour auquel Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné, l'amour pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala a créé ses créatures, c'est le fait de l'aimer lui seul, sans lui accorder quelconque associé. Et cet amour qui contient le fait de l'adorer, sans adorer autre que lui tabaraka wa ta'ala, car l'adoration contient et comprend l'amour absolu, rayat al-hub. L'adoration contient l'amour absolu ainsi que l'avilissement absolu pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela ne se fait que pour Allah. Cela n'est correct que pour Allah azza wa jal seul. Fin de citation de cette belle parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et donc, l'homme, il doit aimer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Mais le fait que tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala seul, est-ce que ça va t'empêcher d'aimer les sandwichs de Ali, de Khalil, le thé de Mun'im, hein? Est-ce que l'amour que tu as pour Allah tabaraka wa ta'ala, on a dit qu'on doit l'aimer seul, est-ce que ça veut dire qu'il t'est interdit d'aimer ta femme ou d'aimer quelqu'un? Non, il n'y a pas de contradiction entre les deux. L'amour d'Allah ne t'empêche pas d'aimer les autres. Mais il faut bien comprendre ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Il fait partie de ces signes le fait qu'il ait créé de vous pour vous des femmes litaskunu ilayha, afin que vous puissiez trouver chez elles de l'apaisement. Et il a placé entre vous de l'amour et de la miséricorde. Et donc tu peux aimer ta femme, tu dois l'aimer même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fut interrogé, qui est-ce que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Et donc il n'y a pas de mal à ce que tu aimes ta femme. Au contraire, c'est bien, c'est louable. Cependant, cet amour que tu as ne doit pas être plus fort que l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que Allah tabaraka wa ta'ala. Le problème, il est là. Tu ne dois pas aimer tes enfants plus que Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne dois pas aimer ton commerce plus que Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne dois pas aimer ton travail et ton argent, qui que ce soit et quoi que ce soit, plus que Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Bukhari et Muslim, il nous cite, selon Anas Ibn Malik radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman » Il y a trois caractéristiques qui, si elles sont toutes les trois réunies chez un individu, alors celui-ci aura goûté au délice de la foi. « An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma » Que Allah et son messager soient tous les deux plus aimés pour cette personne que quiconque d'autre. Ce sont les deux que tu dois aimer le plus. Allah est celui que tu dois aimer le plus. Et parmi les créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui que tu dois aimer le plus. Allah tabaraka wa ta'ala décrit les croyants et il dit « Walladhina amanu ashaddu hubban lillah » Et ceux qui ont cru, ils aiment Allah plus. Ils aiment Allah plus que toute chose. Ils aiment Allah plus que les mouchriquines, ils aiment leur divinité. Les croyants, ils aiment Allah plus que toute chose. Rien ne prévaut à Allah tabaraka wa ta'ala pour eux. Mais il n'est pas interdit que tu aimes quelque chose de ce bas monde. Comme on a dit, l'essentiel, ce qui est important, c'est que tu aimes Allah plus que toute chose. Il y a une ambiguïté qui est propagée malheureusement concernant le fait d'aimer les femmes. Abu Daoud a cité dans son Sunan, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hubbiba ilayya min hadhihi dunya an-nisa wa at-tayyib » Dans cette dunya, on m'a fait aimer, donc c'est Allah qui l'a fait aimer, les femmes et le parfum. Et donc le prophète, il aimait cela, tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, les gens utilisent cela pour dire que c'est quelqu'un de pervers ou autre. Le fait d'aimer les femmes n'est pas blâmable. Tu aimes ta femme, tu aimes la femme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée. Mais ce qui est blâmable, c'est le fait de transgresser par rapport à cet amour. Le fait d'aller chercher la femme d'un autre, ou le fait d'aller chercher une femme qui n'est pas à toi, de regarder, etc., etc., c'est là que c'est blâmable. De la même façon qu'une personne peut aimer le commerce. Il aime le commerce, ce n'est pas blâmable. Mais le fait d'aller chercher à terrasser ses frères ou à faire couler leur commerce pour que ça soit ton commerce qui soit supérieur aux autres, ça c'est blâmable. Il n'y a pas de mal à aimer faire du cheval. Mais le fait d'aller voler le cheval de ton frère parce que son cheval court plus vite que le tien, ça c'est blâmable. Et donc en fait, si on comprend bien, il ne faut pas que cet amour que tu as pour cette chose, ce sujet mondain, te pousse à la transgression. Et d'ailleurs, dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Wa ju'ilat qurratu ayni fi salat » Et donc il nous dit qu'on l'a fait aimer les femmes et le parfum. Mais ce qu'il aime le plus, qurratu ayni, c'est ce que tu veux tout le temps avoir devant tes yeux. Ce qu'il aime le plus, c'est la salat. La salat. Il trouve du repos dans sa salat. Aujourd'hui, certains veulent se débarrasser de la salat, comme on a dit. Subhanallah. L'Isha, c'est tard. Ah, ils ont retardé l'Isha jusqu'à 20h. En plus de ça, aujourd'hui, il y a Abdelkarim qui est à court. Peut-être qu'on va commencer l'Isha à 20h30 ou 20h40. Oh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Oh Bilal, accorde-nous du repos par celle-ci, par cette salat. Il trouvait du repos dans la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important que le fait que l'homme, lorsqu'il aime quelque chose, comme on a dit, cette chose ne l'amène pas à transgresser, à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, sinon cet amour est blâmable. Tu aimes ton épouse, tu aimes tes enfants, cet amour pour eux ne doit pas t'amener à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. J'aime mon enfant, alors je fais attention à ce que dans son éducation, je lui enseigne ce qui lui est profitable. Ton amour pour ton épouse ne doit pas faire que tu transgresses, que tu désobéisses à Allah tabaraka wa ta'ala et vice-versa. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous donne un très beau conseil par rapport à cela. Il nous dit « Fala aiba ala rajuli fi mahabbatihi li ahlihi wa ashkihi laha illa idha shagalahu thalika an mahabbati ma huwa anfa'u lahu min mahabbati Allahi wa rasulihi » Il n'y a pas de mal lorsque l'homme aime son épouse. Al-Ahl, ici, sa famille, c'est son épouse. Donc, il n'y a pas de mal à cela, sauf lorsque cela l'occupe et le distrait de ce qui est plus préférable pour lui, de ce qui est plus profitable pour lui, le fait d'aimer Allah et son messager. Et ensuite, il continue, Ibn al-Qayyim, il nous dit وَزَاحَمَ حُبَّهُ حُبَّ رَسُولِهِ. Et cette chose, donc cet amour qu'il a pour sa femme, ici l'amour qui est blâmable, qui va concurrencer l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'amour de son messager. فَإِنَّ كُلَّ مَحَبَّةٍ زَاحَمَتْ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِحَيْثُ تُدْعِفْ أَنَّهَا تُدْعِفُهَا أَوْ تَنْقُسُهَا فَهِيَ مَذْمُومَةً. Il nous dit alors, tout amour qui est en concurrence avec l'amour d'Allah et de son messager, de tel point que cet amour va affaiblir l'amour d'Allah et de son messager, ou rabaisser cela, alors c'est un amour qui est blâmable. Et donc lorsque tu aimes ta femme, lorsque tu aimes ta famille, ou un frère, ou un commerce, ou quelque chose, si cet amour est en concurrence avec l'amour d'Allah et son messager, si cet amour fait que cela affaiblit chez toi l'amour d'Allah et de son messager, alors l'amour de cette chose est un amour blâmable. Il continue, rahimahullah, وَإِنْ أَعَانَتْ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَانَتْ مِنْ أَسْبَابِ قُوَّتِهِ فَهِيَ مَحْمُودَةً. Par contre, si cet amour que tu éprouves pour cette chose ou cette personne est un amour qui va t'aider à aimer Allah et son messager et qui va t'aider à renforcer cet amour pour ton Seigneur, alors c'est un amour. Et donc nous devons aimer Allah tabaraka wa ta'ala et nous devons faire en sorte que ce que nous aimons en dehors d'Allah ne soit pas supérieur à l'amour d'Allah, ne nous pousse pas à transgresser, à désobéir à Allah et ne fasse pas diminuer l'amour que nous avons pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc si le serviteur, il adore son Seigneur convenablement, alors il va aimer ce que son Seigneur aime. Il va aimer ce que son Seigneur aime et il va détester ce que son Seigneur déteste. Tu dois aimer Allah et donc tu dois aimer ce qu'il aime. Tu dois détester ce qu'il déteste. Tout à l'heure, on a parlé du hadith dans Sahihain. Thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Il y a trois caractéristiques qui, si elles sont réunies chez quelqu'un, alors celui-ci aura goûté aux délices de la foi. On a déjà vu la première caractéristique. An yuhibba Allah wa rasuluhu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que Allah et son messager soient plus aimés pour cette personne que tout autre. Et la deuxième caractéristique, an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Lorsqu'il aime quelqu'un, il ne l'aime pas que pour Allah. Tu aimes un tel pour Allah, pas parce qu'il a de l'argent, pas parce qu'il te laisse profiter sa piscine, sa belle voiture. Tu l'aimes pour Allah tabaraka wa. Voilà la raison pour laquelle on doit aimer. Et voilà la raison pour laquelle on doit détester. Et d'ailleurs, il y a un autre hadith important dans ce sujet, dans Sunan Abi Daoud de Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui donne pour Allah, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah et qui retient, il ne donne pas, il retient pour Allah, alors celui-ci aura complété la foi. Tu dois aimer Allah et tu dois aimer ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Non. Comment est-ce que tu dois ne pas aimer pour Allah? C'est ce qui arrive tout. Et c'est là qu'on arrive à un point important, barakallahu fikou. Le fait qu'on doit apprendre. La question qu'il a posée est très importante. Comment est-ce que tu détestes pour Allah? C'est une question très importante. Et la réponse à cette question, c'est qu'on doit apprendre. Ici, ce sujet est un des sujets qui montre l'importance de la science. Parce que si tu veux savoir ce que Allah aime et déteste, tu dois apprendre. Qu'est-ce que Allah aime et qu'est-ce que Allah n'aime pas, afin que toi tu aimes ce qu'il aime et que tu n'aimes pas ce qu'il n'aime pas. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. سبحان الله. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala vous a fait aimer la foi. Et il a embelli cela dans votre cœur. Il a rempli ton cœur de la foi. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilayhi kufra wal fusuqa wal 'isyan. Et il a fait que vous détestez la mécréance. Wal fusuq. C'est quoi le fusuq? C'est quoi le fusuq? Corruption, transgression, perversité. J'aime pas traduire par perversité. Parce que quand on traduit par perversité, les gens, souvent, ils pensent à ce qui est sexuel. Souvent, les gens vont penser à ça. Alors qu'el fusuq, non. El fusuq, oh cher frère, barakallahu fikum, c'est tout ce qui rentre dans la grande désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. On a les grands péchés, on a les innovations, tout cela. Ou les isyennes, les petits. Et donc tu délaisses la mécréance, les grands péchés et les petits péchés. Tu dois détester tout cela. Et donc tu dois apprendre qu'est-ce que la mécréance. Souvent, beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce que la mécréance. Certaines personnes ne savent pas qu'est-ce que le... Certaines personnes ne savent pas qu'est-ce qui fait un individu sortir de l'islam. Certaines personnes ne savent pas que le fait de se moquer de l'islam fait sortir de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Le fait de se moquer d'Allah, de son messager, de son livre, ça fait sortir de l'islam. Parfois, les gens vont plaisanter. Comme... On rigole, on plaisante. Rappelez-vous l'histoire de ces hommes qui se sont moqués du messager d'Allah, des compagnons. Ils se sont moqués d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Alors là, il y a un compagnon qui a entendu ça et lui a dit, je vais le dire au messager d'Allah. Et lorsqu'il est arrivé au messager d'Allah, la révélation avait déjà été faite. Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait descendre sa parole. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Parfois, on va entendre des gens qui rigolent, qui plaisantent, qui font un sketch. Ils rigolent sur l'islam. Non, tu dois détester ça. Et tu dois montrer à la personne que ce que tu fais n'est pas correct. Même chose pour les péchés. Tu entends une personne qui fait de la médisance, qui parle sur son frère, ou de la calomnie. Tu ne dois pas rester là à écouter comme ça. Il est là, il fait de la comme si de rien n'était. Non, tu ne dois pas aimer ça. Et tu dois lui montrer que tu n'aimes pas cela. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Si vous entendez les versets d'Allah qui sont... Alors ne restez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Sans quoi vous êtes comme eux. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Et donc on doit apprendre aux chers frères ce qu'Allah n'aime pas. Allah, il n'aime pas tout. Mécréance, la désobéissance, le péché. Et tout cela, nous devons détester. Et nous devons être forts en cela. Parfois, on est gêné de dire aux gens. Parfois, quelqu'un va faire quelque chose de mal. Et on est gêné de lui dire, ya khittakillah. On est gêné de lui dire, non, mais tu fais n'importe quoi. Par contre, si quelqu'un, il parle sur notre... Si quelqu'un, il parle sur notre femme. Ou si quelqu'un, il parle sur nous. Allah, on va s'énerver. Allah, on ne sera pas gêné de dire, tu fais n'importe quoi. Par contre, concernant la religion d'Allah, mal. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on applique cela par amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que l'amour d'Allah ne se fait pas par prétention. Ce ne sont pas les prétentions qui... Car si tu demandes à n'importe qui, je t'assure, à n'importe qui, est-ce que tu aimes Allah? Qui va te dire non? Qui va te dire non? Qui va oser te dire non, non, moi je ne l'aime pas? Tout le monde va te dire oui, je l'aime. Je l'aime plus. Allah tabaraka wa ta'ala a placé dans son livre un verset. Les savants, ils appellent ce verset-là El Mizen, la balance. L'examen. Viens, on va voir si tu réussis à l'examen. Oh, toi qui prétends que tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'ala, viens. Qul in kubun Allah. Dis, si vous faites tabiruni, yuhbibakum Allah. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. La condition, si tu aimes Allah, tu dois suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah te dit de faire ça. Une autre personne te dit de faire autre chose. Non. On favorise la parole du messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas parce que tu aimes ton frère, Abdul Karim, mashallah, il t'enseigne, il te donne des cours, etc. Si un jour Abdul Karim te dit une parole qui est contraire à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pas suivre. Tu ne dois pas suivre. L'imam Shafi'i, rahimahullah, qui dit, si vous voyez que j'ai une parole qui est contraire à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou de son messager, alors prenez mes paroles, ma parole et envoyez-la sur le mur. Prenez ma parole et envoyez-la sur le mur. Une fois, un homme l'a interrogé concernant un hadith. Tu vois le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tel hadith, tel hadith. Est-ce que tu dis la même chose? Il demande à Shafi, est-ce que tu dis la même chose que dans ce hadith? Shafi, il a dit, est-ce que tu as vu prier comme un prêtre? Est-ce que tu as vu que je sors d'une église? Je suis musulman. Comment tu veux que je dise autre chose que ce que dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Et donc, si je dis le contraire de ce que dit le messager d'Allah, c'est parce que je ne connaissais pas le hadith. Nous sommes des êtres humains, nous pouvons. Et donc, si un jour, tu as ton enseignant, ton imam, ton cheikh, ton mufti, ou n'importe qui te dit quelque chose qui est contraire à la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Parce que tu aimes Allah. Donc tu dois suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Afin que Allah t'aime. Il te pardonne. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, remplir nos cœurs de son amour. Et de faire que nous suivions tous son prophète qu'il nous a envoyé comme guidé pour les mondes. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.